Vous venez de me faire un petit sacrifice, c'est très galant de votre part. Mais je ne veux pas vous tromper. La bourse rouge n'est pas de ma façon. Est-il possible? Qui est-ce donc qui l'a faite? C'est une main plus belle que la mienne. Faites-moi la grâce de réfléchir une minute et de m'expliquer cette énigme à mon tour. Vous m'avez fait, en bon français, une déclaration très aimable. Vous vous êtes mis à deux genoux par terre et remarquez qu'il n'y a pas de tapis. Je vous ai demandé votre bourse bleue et vous me l'avez laissée brûler. Qui suis-je donc? Dites-moi pour mériter tout cela. Que me trouvez-vous de si extraordinaire? Je ne suis pas mal, c'est vrai, je suis jeune, il est certain que j'ai le pied petit. Mais enfin, ce n'est pas si rare. Quand nous nous serons prouvés l'un à l'autre que je suis une coquette, et vous un libertin, uniquement parce qu'il est minuit et que nous sommes en tête à tête, voilà un beau fait d'armes que nous aurons à écrire dans nos mémoires. C'est pourtant l'atout, n'est-ce pas? Et ce que vous m'accordez en riant, ce qui ne vous coûte pas même un regret, ce sacrifice insignifiant que vous faites à un caprice, plus insignifiant encore, vous le refusez à la seule femme qui vous aime, à la seule femme que vous aimiez. Mais madame qui a pu vous instruire. Oh, parlez plus bas, monsieur. La voilà qui rentre et cette voiture vient me chercher. Je n'ai pas le temps de vous faire ma morale. Mais vous êtes homme de cœur et votre cœur vous la fera. Si vous trouvez que Mathilde a les yeux rouges, essuyez-les avec cette petite bourse que ses larmes reconnaîtront. Car c'est votre bonne, brave et fidèle femme qui a passé 15 jours à la faire. Adieu. Vous m'en voudrez aujourd'hui. Mais vous aurez demain quelque amitié pour moi. Et croyez-moi, cela vaut mieux qu'un caprice. Mais s'il vous en faut un absolument, tenez, voilà Mathilde. Vous en avez un beau à vous passer ce soir. Il vous en fera, j'espère, oublier un autre que personne au monde, pas même elle, ne saura jamais. Je vous demande pardon, madame. Elle le saura. Et je n'oublierai jamais qu'un jeune curé fait les meilleurs sermons.